France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Grand savant et héritier d'une tradition, Marc Bloch. Une réédition d'un livre de Marc Bloch donnait à Jacques Le Goff, début 1989 sur France Culture, l'occasion de célébrer et parfois de laisser à ses invités le soin de critiquer ou de souligner ce qui était daté, l'œuvre de Marc Bloch. De quoi sera-t-il question dans les lundis de l'histoire qui viennent ? De la méthode de Marc Bloch, bien sûr, et de son apport essentiel dans la recherche historique. Et donc, vu le sujet traité et dans le désordre, des techniques, de la technologie, des affaires juridiques, des vaines pâtures, des communaux, de la vie agraire, des méthodes régressives, comparatives, régionales, d'élevage, de fumier, du machinisme, du blé, le beau pain blanc pour le plaisir des riches, le pain noir, de lourdes farines pour nourrir les manants, des champs ouverts, des champs lanières, des enclosures, des villages disparus, des révoltes, de la peste noire, mais encore de l'importance de l'expérience allemande et de la méconnaissance de ce qui se faisait en Italie ou en Espagne, du passé qui commande le présent, des professeurs d'histoire qui ignoraient la géographie, des coutumes, des cadastres, des cartes, de l'histoire régionale, de ce que l'on peut comparer ou non. Marc Bloch, cette réédition à lire comme un classique, un grand moment pour la connaissance et la pratique intellectuelle de l'histoire, c'était le 27 février 1989 sur France Culture. Notre émission de ce matin a un caractère exceptionnel. D'abord, à cause de l'ouvrage dont nous avons parlé. Cet ouvrage date de plus de 50 ans. Il s'agit d'une réédition. Son auteur est un des plus grands noms de l'historiographie française. Et d'autre part, un certain nombre d'historiens et de spécialistes particulièrement éminents sont réunis autour des micros des lundis de l'histoire pour en parler. L'historien, c'est Marc Bloch. L'ouvrage, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, qui vient de connaître une réédition aux éditions Armand Collin avec une importante préface de Pierre Toubert. Et ce qui m'a amené à vous présenter cet ouvrage, c'est non seulement parce que le livre de Marc Bloch a été justement défini comme un classique vivant, mais parce que la préface de Pierre Toubert jette sur la genèse de l'ouvrage, sur sa place dans l'historiographie, des lumières importantes et nouvelles. Et donc, pour ce débat qui va à la fois parler de l'ouvrage, de sa genèse, de sa réception, de sa signification, de sa place aujourd'hui dans l'histoire, sont réunis autour des micros des lundis de l'histoire, Georges Duby de l'Académie française, professeur au Collège de France, Emmanuel Leroy-Ladurie, administrateur général de la Bibliothèque nationale, professeur au Collège de France, Jean-Robert Pitt, professeur à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4, et Pierre Toubert, membre de l'Institut, professeur à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Pierre Toubert, je vous donne tout de suite la parole. Probablement pour beaucoup de nos auditeurs, le nom de Marc Bloch est connu, mais il est aussi probable qu'ils ne savent pas beaucoup de choses sur Marc Bloch, et je crois qu'il faut d'abord leur rappeler qui a été Marc Bloch. Voilà, comme tu l'as dit très justement, Marc Bloch, un des certainement plus grands noms de l'historiographie française. Je crois que si on veut donner quelques repères, quelques jalons dans l'existence de Marc Bloch naît en 1886 dans une famille d'universitaires. Son père est professeur d'histoire romaine à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne, à partir de la réforme Lavis, donc autour de 1900. Marc Bloch entre lui-même, donc fils de normalien, entre à l'école normale à 18 ans, donc en 1904. Il passe l'agrégation en 1906 ou 1907. Et puis une période de formation dont nous reparlerons avant la guerre de 14, où Marc Bloch est successivement pensionnaire à la Fondation Thiers, c'est-à-dire l'équivalent à l'époque de ce qu'était le CNRS, finalement aujourd'hui, pour les jeunes chercheurs. Puis une année, à mon avis, extrêmement importante dans sa vie de formation dans les universités allemandes, dans deux endroits tout à fait privilégiés, deux pôles de la recherche à cette époque-là, c'est-à-dire à Berlin, un semestre à Berlin et un semestre à Leipzig en 1908, où il se passe des choses extrêmement importantes et, à mon avis, marquantes pour son avenir. Puis Marc Bloch enseigne dans des lycées jusqu'à la guerre de 1914. À la fin de la guerre, où il a eu, disons-le en passant, une conduite tout à fait héroïque et dont il nous reste des témoignages, ses carnets, ses notes de journalières. Après la guerre, Marc Bloch est nommé tout de suite à l'université de Strasbourg, qui est, si je puis dire, réoccupée par les Français, et dont les Français entendent faire une espèce de vitrine de l'université française en Europe. Université, par conséquent, où il a l'occasion de rencontrer et d'avoir pour collègues, dans les années 20 et au début des années 30, des savants extrêmement importants, comme c'est là qu'il rencontre et qu'il connaît Lucien Febvre. C'est là aussi qu'il noue des relations amicales et durables avec le géographe Henri Bollig, etc. Marc Bloch publie, après avoir publié en 1913, avant la guerre, donc très jeune, un homme de 28 ans, un livre qui, à mon avis, est important qu'on ne lit plus guère, mais qui est important si on veut retracer la courbe de sa pensée, un peu, une monographie régionale, un petit livre qui s'appelle « L'île de France », et avoir publié plusieurs articles. Marc Bloch soutient sa thèse de doctorat en 1920 sur le thème « Rois et serfs », par conséquent, le statut, les conditions des paysans dans le domaine royal français au XIIIe siècle. C'est un ouvrage rapide parce que on permet à ce moment-là à ceux qui ont fait la guerre de présenter une thèse raccourcie. Voilà. C'est la raison pour laquelle, je pense, cet ouvrage, tout en étant important, ne compte pas parmi les grands ouvrages de Marc Bloch. À cet égard, il est peut-être une exception dans l'historiographie française. Ce n'est pas sa thèse, comme pour beaucoup, qui est le grand ouvrage ou un des grands ouvrages. C'est un ouvrage intéressant, c'est un ouvrage relativement secondaire. Voilà, mais qui est intéressant par les choix qu'il révèle chez Bloch. C'est-à-dire, Bloch est quelqu'un qui ne veut pas s'empêtrer longtemps dans ses recherches un peu scolaires. Il estime qu'il a fait le tour de ce problème, qu'il doit se débarrasser de cette histoire de la condition paysanne et qu'il doit élargir ses horizons. Donc, entre 20 et 25, Bloch, sans abandonner tout à fait ce filon d'histoire de la société paysanne, tout de même, met au premier plan ses recherches sur le caractère sacral de la monarchie, en France et en Angleterre, et il sort, en 25, je crois, son livre, bien 24. Connu, 24, son livre sur les rois thaumaturges. C'est donc après 24 que Bloch revient, mais d'une manière beaucoup plus approfondie, différente, avec un recul sur l'histoire agraire, et qu'il publie en 1930 ou 31, 30 ans, oui. 31, la première édition de l'histoire rurale, des caractères originaux dont nous parlons ce matin. Si vous le permettez, d'abord une petite remarque. Il y a déjà eu une réédition en 1952-1956 avec un second volume dans lequel Robert d'Auvergne a présenté tout ce que Marc Bloch, entre les caractères originaux, c'est-à-dire 1931 et sa mort en 1944, a publié sur l'histoire rurale française. Ce sont des compléments utiles. D'autre part, je pense que vous allez maintenant rappeler aux auditeurs que juste avant la publication, il y a eu 29. Voilà. 29. Il y a eu 29, voilà. Et en 29, il y a eu quelque chose d'important. Voilà, alors, je me débarrasse de la première question. Et Bloch, après 31, a continué évidemment à lire et à travailler sur l'histoire rurale française. Et donc je pense qu'il avait probablement dans l'idée plus tard de donner d'autres éditions. Simplement, on a jugé inutile aujourd'hui de réimprimer le second tome de Dauvergne pour une raison très simple. C'est parce que les articles de Bloch existent aujourd'hui sous forme de mélange historique et que si on veut les lire, on n'a qu'à les chercher. Absolument. Alors, naturellement, 1929, fête capitale, la fondation des annales qui s'appelle à l'époque Annales d'Histoire Économique et Sociale, avec Lucien Febvre, et donc formation, je dirais, officialisation de ce couple qui va fonctionner jusqu'en 1939, d'une manière qui mériterait qu'on étudie les choses de plus près. Après 1931, Bloch est saisi par de nouveaux projets qui aboutissent en 1939 à sa société féodale, au moment même, par conséquent, où se déclenche le grand conflit mondial et où Bloch s'engage d'abord, enfin, normalement dans l'armée, puis après la défaite, l'étrange défaite de 40, suivant le titre qu'il donnera à une série de réflexions qui paraîtront après la libération, il s'engage dans la résistance et il meurt fusillé en 1944, non pas par les Allemands, mais par des miliciens français, après avoir joué un rôle d'ailleurs important à Lyon dans la résistance française dans les années 42-44. Une vie brève et une vie où les guerres ont beaucoup compté. Donc il faut tenir compte de cette activité, je dirais même cette hyperactivité quand on relit ces notes de Marc Bloch, le fait qu'il c'était un homme toujours sur la brèche, qui nourrissait constamment des dossiers, il avait toujours des projets. En même temps, la gestion d'une revue où, d'après les correspondances qui me sont passées entre les mains, tout était entièrement rédigé à la plume et au stylo, à l'encre noire. Enfin, oui. Et on retrouve ici peut-être la densité que l'on trouve en général dans ses ouvrages. C'est un homme pressé, comme dirait Paul Morin. Je crois que ça a été un homme pressé. Et donc c'est une qualité, et ça nous donne aussi parfois une certaine prudence avec laquelle il faut lire certaines choses de lui. Un homme qui a une expérience internationale, ce que peu d'universitaires français ont dans les années 20 et dans les années 30. Oui, à ce sujet, donc, vous pouvez tout de suite dire quelle a été l'occasion de la rédaction de cet ouvrage. Alors, l'occasion de la rédaction, c'est en 1928-29. Il existait en Norvège, à Oslo, un institut pour l'histoire comparative des sociétés occidentales. Et c'est cet institut qui invite Bloch à donner une série de conférences sur les grands traits de l'histoire rurale française. Et c'est donc à l'origine ce noyau primitif du texte des conférences de Bloch que Bloch reprend et réélabore entre 29 et 30. Bon, avant maintenant d'aborder à proprement parler cet ouvrage, je voudrais simplement rappeler ou signaler à nos auditeurs les principaux ouvrages qu'ont écrit les savants qui sont autour de ce micro et qui justifient leur présence dans ce débat. Pierre Toubert, nous avons consacré un lundi de l'histoire à votre ouvrage considérable sur les structures du latium médiéval. Vous êtes donc aussi, d'une façon, un homme du comparatisme, un homme des sociétés rurales et pas seulement d'elles. Georges Duby, on le sait, a écrit en particulier une synthèse qui, après l'ouvrage de Marc Bloch, est le livre marquant dans ce domaine, l'économie rurale et la vie des campagnes chez Aubier. Je ne citerai ensuite de son œuvre qui déborde largement l'histoire rurale que sa direction de l'histoire de la France rurale en 4 volumes aux éditions du Seuil et tout récemment ses articles touchant justement des problèmes dans le domaine de l'ouvrage de Marc Bloch ont été réunis dans la petite collection Champs chez Flammarion sous le titre Seigneur et paysan. Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a dirigé le second volume de l'histoire de la France rurale, consacré à la période moderne, dont parle aussi Marc Bloch dans cet ouvrage, et par ailleurs l'auteur d'une thèse qui a fait date, elle aussi, sur les paysans du Languedoc. Enfin, je me réjouis tout particulièrement de la présence de Jean-Robert Pitt à ce micro, parce que Jean-Robert Pitt est géographe. D'abord, je crois que c'est en général une fête pour les historiens que d'accueillir des géographes, de discuter avec eux. Et la géographie a, dans cet ouvrage, une place si importante. Et d'autre part, comme on le verra dans sa préface, Pierre Toubert dit sur les géographes des choses peut-être susceptible de prêter à controverse telle que sa présence nous est très précieuse. Et je rappelle qu'il a publié, il n'y a pas longtemps, c'est un jeune savant, une histoire du paysage français en deux volumes tout à fait original et remarquable chez Talandier, et ensuite un ouvrage pour lequel je dois dire j'ai des faiblesses, Terre de Castanide, hommes et paysages du châtaignier de l'Antiquité à nos jours chez Fayard, qui est aussi, je crois, dans la longue durée, un grand livre. Bon, Pierre Toubert, je vais vous redemander de lancer à nouveau notre débat. Je crois que ce qui est très frappant, c'est que parmi les idées maîtresses de Marc Bloch, qui sont un petit peu les fondements et les horizons de cet ouvrage, il y a l'histoire comparative à laquelle nous avons déjà fait allusion. Il y a aussi, et ça peut-être je vous demanderai d'en dire un mot, la méthode régressive. D'autre part, il est évident que dans cet problème de l'histoire rurale française, deux aspects ont particulièrement intéressé Marc Bloch, les techniques, la technologie, je crois que c'est une de ses nouveautés dans l'historiographie française, et d'autre part, ce que, en particulier à son époque, on ne faisait pas tellement, ou que l'on faisait, je crois, d'une façon maladroite, l'intérêt pour des aspects juridiques, mais des aspects juridiques ayant un caractère social, si je puis dire, très marqué, que sont les coutumes. Puis, tout ce qui est lié à la représentation, à la cartographie, les cadastres, les cartes, mais surtout, je crois que je peux annoncer, et ce sont les têtes de chapitre de Marc Bloch, que dans la partie structurale de son ouvrage, probablement la plus importante et la plus intéressante pour nous aujourd'hui, trois notions ont une très grande importance, et je vous propose que on en parle d'abord, occupation du sol, vie agraire, régime agraire. Un mot d'abord, si vous le voulez bien, sur la méthode régressive. Oui, alors c'est là, je crois, où on saisit le mieux à quel point Bloch a une formation européenne, et surtout nord-européenne. C'est-à-dire que dans ces années auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, 1908-1914, Bloch a été extraordinairement ouvert à ce qui se publiait à cette époque-là, et même à ce qui se faisait en Allemagne et en Angleterre. Et je crois que dans toutes ces têtes de chapitre que tu viens d'évoquer, au fond, il est dans une large mesure, et ce n'est pas pour diminuer ses mérites que je dis ça, mais simplement parce que les choses sont comme ça, l'introducteur et l'adaptateur en France d'outillages, de méthodologies et même de concepts qui avaient largement cours en Allemagne et en Angleterre depuis le milieu du XIXe siècle. Et parfois depuis les années 1850, 60, 70. Alors, c'est un grand problème de savoir pourquoi la France était restée imperméable à ça. C'est un autre problème pour nous. Mais alors, les méthodes régressives. Bloch s'exprime avec, comme toujours, sa grande clarté là-dessus. Il dit, on ne peut bien comprendre l'histoire qu'en partant du moment où un objet historique est constitué. Et ensuite, on doit faire la genèse de cette structure en remontant le temps. Et donc cette méthode régressive nous paraît évidente aujourd'hui. Elle n'était pas du tout pratiquée en France, ou au contraire, je dirais, la logique française tenait pour la méthode progressive, c'est-à-dire on étudiait d'abord la genèse, et puis l'apogée, puis le déclin, etc. Bon, Bloch a des modèles allemands, et en particulier un historien qu'on ne lit plus guère aujourd'hui, qui s'appelait Wittich, qui a étudié dans un cadre régional l'histoire de la seigneurie foncière, et qu'il a étudié en partant des documents de la fin du Moyen-Âge, et qui remontait jusqu'à l'époque carolingienne en trois volumes successifs, qui ont paru donc à quelques années d'intervalle, et où le dernier paru est celui concernant le haut Moyen-Âge. Je pense que cet exemple, très célèbre en Allemagne, d'un grand ténor universitaire allemand, l'avait beaucoup frappé. Méthode régressive, méthode comparative, et si je puis me permettre d'ajouter un troisième concept que tu as peut-être oublié, importance de l'histoire régionale Absolument. Dans son intégration à une vision d'ensemble. Absolument. Là aussi, je crois que Bloch est un bon étudiant allemand dans les années 1910, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les Allemands avaient déjà bien compris qu'il y a une espèce d'espace critique à l'intérieur duquel on doit analyser les choses. C'est au fond ce que les Allemands appelaient la Landesgeschichte, nous pouvons appeler ça l'histoire régionale, c'est-à-dire ce qui est un carrefour, un ancrage dans une région, justement à la fois de méthodologie convergente et de problématiques différentes. Et que par conséquent, l'histoire régionale est le lieu d'élection de ce qu'avec un peu de facilité, nous appellerions aujourd'hui une histoire totale d'une région. Et que donc l'histoire comparative devient fonctionnelle à partir du moment où on a déjà assimilé ce concept d'histoire régionale. Parce que ce que l'on comparera entre elles, ce sont des expériences régionales comparables. Et je crois que la grande nouveauté de Bloch, ça a été de bien insister sur le fait que l'histoire comparative, telle qu'elle était pratiquée par exemple par cette société qu'on appelle la société Jean Bodin, était une stupidité. Parce qu'on ne fait pas la comparaison entre la situation de la femme chez les Égyptiens, chez les anciens Hébreux, dans la France au Moyen-Âge, dans le Japon contemporain, ou au Paraguay au XIXe siècle. Et Bloch s'en est toujours tenu. Il y a d'ailleurs des études intéressantes qui ont été faites sur la méthode régressive, la méthode comparative chez Bloch. C'est une méthode qu'il applique avec une extrême rigueur et qui a des précédents non seulement en Allemagne, mais aussi en Angleterre, où un grand historien et sociologue de la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Henry Sumner Mayne, avait lui-même consacré des travaux déjà précurseurs de Bloch sur la comparaison entre la seigneurie rurale française et anglaise, et qui était évidemment un domaine privilégié de la comparaison, puisqu'il y avait le relais de la Normandie et de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Bien sûr. Donc je crois que là, dans tous ces domaines-là, Bloch est non seulement un grand savant, mais aussi l'héritier d'une tradition. Emmanuel Leroy Ladurie. Alors, sur l'histoire régressive, je voudrais rappeler qu'en France, à l'exemple de Bloch, il y a eu cet étonnant livre de Desfontaines sur les pays de la Moyenne-Garonne qui part du XXe siècle et qui remonte de siècle en siècle. C'est presque caricatural, mais c'est tout de même intéressant. Sur la région, rappelons quand même que Lucien Febvre est l'auteur d'un livre que notre ami Toubert attaque parfois ou souvent à juste titre, et même l'auteur d'une grande synthèse régionale sur la Franche-Comté. Opposons aussi l'étude du village et l'étude de la région. Les anthropologues actuels iraient volontiers au village. Pendant longtemps, on a privilégié la région. Enfin, histoire comparée, certes, la femme dans l'Égypte ancienne, non. En revanche, le fermage en Mésopotamie, le métayage dans les régions méditerranéennes depuis des millénaires, j'oserais dire oui. Car j'ai quand même l'impression que les contrats ruraux, c'est quelque chose de très très très ancien. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord que ça, c'est une discussion actuelle. Oui. Mais c'était pas une discussion de Bloch. C'est ça. C'était pour Bloch, justement, je crois que Bloch n'en était pas arrivé au stade que tu dis, là. Et que pour Bloch, il avait beaucoup de répugnance à imaginer comme ça une histoire comparative hardie qui prendrait un problème dans une épaisseur structurale, comme ça. Je crois qu'il a eu toujours une ligne. Si je peux me permettre, sur un point de détail très important, de faire une remarque et peut-être d'anticiper, c'est que dans l'actualité de Bloch, et en particulier à travers cet ouvrage, je crois qu'il y a précisément le problème de l'histoire comparative, qui se pose toujours à nous, qui est un des grands fronts pionniers de notre recherche, sur lesquels nos méthodes, nos traditions ne sont pas encore bien établies, et où en particulier ce problème extrêmement délicat de savoir qu'est-ce qu'il faut comparer, qu'est-ce qu'on peut comparer, se pose toujours. Et je crois que vos interventions l'ont bien montré. Jean-Robert Pitt. Oui, ce que je voulais simplement dire, c'est que malheureusement, Marc Bloch n'avait pas à sa disposition tous les résultats de l'archéologie moderne et que sa méthode régressive s'arrête au Moyen-Âge. Bon, heureusement qu'il n'a pas fait comme Roupnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de rêver et de broder sur les paysages de son époque en pensant qu'il remontait à la plus haute antiquité, c'est-à-dire au néolithique. Mais quand même, il est extrêmement court sur la genèse réelle de ces paysages. En particulier, il ne voit pas du tout qu'il y a une couche romaine qui est encore très visible au XXe siècle, et ça, il ne l'a pas du tout envisagé. Oui, c'est un peu dommage. Hein. Il est évident que, au-delà du Moyen-Âge, en régressant, il a eu l'idée que ça remonte à la plus haute antiquité, comme on dit, mais là, l'étude historique précise lui a manqué. Il est discret, heureusement, alors que Roupnel ne l'a pas été. Bien sûr. Georges Duby. Moi, je voudrais, puisque nous allons ouvrir un débat sur les rapports entre l'histoire et la géographie, du fait que la préface de Pierre Toubert nous interpelle, comme on dit maintenant, là-dessus. Je pose une question. Est-ce que l'ouvrage de Marc Bloch dont nous parlons a vraiment servi de modèle aux travaux des géographes ensuite? Parce que il y a deux traits de la méthode que ces géographes ont employé dans les années 30, monographie régionale et d'autre part méthode régressive. Emmanuel Roland-Durie le rappelait, il y a Desfontaines, il y a Julliard, il y en a beaucoup d'autres. Des post-blocs, cela. Ce sont des post-blocs, oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas non plus, à l'intérieur de l'école géographique française, une certaine tendance à s'orienter dans ces voies caricaturale pour bloc. Jean-Robert Pitt. C'est peut-être là où on peut dire quand même que les géographes ont beaucoup moins que Marc Bloch sur certains points, mais un petit quelque chose en plus quand même, avant comme après, c'est que pour eux, la campagne, ce n'est pas seulement de l'agriculture, ce sont aussi des artisans, vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre préface, il y a aussi des villes. Bon, les géographes n'en parlent pas beaucoup quand même, c'est vrai que leur campagne s'arrête assez aux portes des villes, mais il y a quand même tout l'aspect commercial, enfin tout l'aspect exportation des produits de la campagne vers la ville que les géographes ont envisagé, et ça, Marc Bloch n'en parle pas beaucoup. Il y a quand même un texte d'histoire régressive très étonnant, que j'ose à peine en parler, parce que je ne sais pas ce qu'en pensent les médiévistes. C'est le très étonnant texte de la Cambridge Agrarian History. Comme il est paru en Angleterre pendant la guerre, personne ne l'a lu, on l'a lu après, où il remonte à la Germanie ancienne, en s'aidant de Camille Julien, dont il ne cite jamais, mais dont il cite évidemment toutes les sources, qui pour moi est un texte d'une extraordinaire poésie. Mais alors, je ne sais pas ce qu'on pense sur les origines de la seigneurie dans le monde germanique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les... Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce texte a été publié dans cet ouvrage auquel il a été fait allusion et qui est d'une très grande importance pour connaître Marc Bloch, en dehors de ses grands livres. C'est le recueil de ses articles qui, après sa mort, a été publié sous le titre de « Mélange historique en deux volumes » et où on trouvera ce texte anglais. À vrai dire, d'ailleurs, en anglais. Je crois que Jean-Robert Pitt a fait deux remarques qui sont extrêmement importantes. L'une sur les limites dans le temps de la méthode régressive de Marc Bloch, et d'autre part sur une certaine limitation à travers le terme de agraire. Et en particulier, de ce point de vue, je voudrais demander à Georges Duby, qui a donc écrit 30 ans après Marc Bloch, cette grande synthèse qui fait autorité, ce qu'il pense justement de cette conception de l'agraire. Lui-même a dirigé une histoire de la France rurale. Il y a peut-être là plus qu'une nuance. Je voulais aussi rappeler à nos auditeurs que, aussi bien en ce qui concerne Marc Bloch que en ce qui concerne les personnalités qui sont autour de cette table, ils peuvent, comme d'habitude, pour chacune de nos émissions, se procurer la bibliographie essentielle de l'émission en écrivant à France Culture, Les Lundis de l'Histoire, Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e. Je m'excuse de cette annonce qui n'est pas publicitaire, Georges Duby. Oui, moi je dirais que Marc Bloch, lorsqu'il a composé cette série de conférences qui sont la base de ce livre, a très nettement délimité son champ d'exploration. Il est parti du cadastre, il est parti de plans, il est parti d'une représentation de ce qu'était le dessin des champs. Donc, de la réalité, le mot agraire le dit bien, n'est-ce pas, de ce qu'on peut saisir d'un parcellaire, d'une organisation du paysage telle qu'elle l'ont façonné les agriculteurs, ceux qui manient la charrue. Et il n'est pas sorti, finalement, beaucoup de ce champ, avec raison. Mais le rural, c'est bien autre chose. Le rural, ce sont d'abord des hommes qui ne sont pas uniquement des agriculteurs, qui exploitent d'autres façons les ressources naturelles. Et ce sont des hommes aussi qui ne sont pas enfermés dans leur campagne, mais qui, comme le disait M. Pitt à l'instant, sont en relation avec la ville, avec la bourgade, avec la circulation. De tout cela, effectivement, Bloch ne dit pas grand-chose dans son livre, mais peut-être n'avait-il pas à le dire. Bien sûr. Simplement, je crois qu'il faut noter un certain décalage entre le contenu ou dans le titre même des chapitres, le mot « agraire » s'impose, et le titre de l'ouvrage, où il est question d'histoire rurale, oui. Alors que vous avez bien souligné qu'il y a eu surtout d'histoire agraire. Emmanuel Roland. Sur l'influence de la ville, il parle quand même des rassembleurs de terre, et il va de soi que les rassembleurs de terre habitent très souvent la ville. On parle des bourgeois. Mais évidemment, tout le problème du travail manufacturier, industriel, artisanal à la campagne, très peu. Oui. Si vous le permettez, nous allons quand même donner à écouter à nos auditeurs un texte où Marc Bloch sort un peu, si j'ose dire, de l'agraire au sens précis, mais c'est pour aller non pas du côté de la ville, mais au contraire du côté de la nature que l'on pourrait qualifier de sauvage, mais dont il nous montre que dans le passé, et en particulier au Moyen-Âge, elle était en fait profondément intégrée dans la vie économique des campagnes et qu'elle y jouait un très grand rôle. Ce sont parmi ces pages, je crois, les plus célèbres et à juste titre, la forêt. Un monde de boisilleurs, souvent suspects aux sédentaires, parcourait la forêt où y bâtissaient ses huttes. Chasseurs, charbonniers, forgerons, chercheurs de miel et de cire sauvage, les bigres des anciens textes, faiseurs de cendres, qu'on employait à la fabrication du verre ou à celle du savon, arracheurs d'écorces qui servaient à tanner les cuirs ou même à tresser des cordes. Encore à la fin du XIIe siècle, la dame de Valois entretient dans ses bois de Viry quatre serviteurs. L'un est un essarteur, nous sommes déjà au moment du défrichement, les trois autres, un poseur de pièges, un archer, un cendrier. La chasse, à l'ombre des arbres, n'était pas seulement un sport. Elle fournissait de cuir les tanneries urbaines ou seigneuriales, ainsi que les ateliers de reliure des bibliothèques monastiques. Elle approvisionnait toutes les tables, voire les armées. En 1269, Alphonse de Poitiers, qui se préparait à la croisade, ordonna de tuer un grand nombre de sangliers dans ces vastes domaines forestiers de l'Auvergne pour en emporter outre-mer les chairs salées. Aux habitants des lieux avoisinants, la forêt, en ces temps moins éloignés qu'aujourd'hui des antiques habitudes de la cueillette, offrait une abondance de ressources dont nous ne nous faisons plus idée. Ils allaient y quérir, bien entendu, le bois, beaucoup plus indispensable à la vie qu'en nos âges de houille, de pétrole et de métal. Bois de chauffage, torches, matériaux de construction, planchettes pour les toitures, palissades des châteaux forts, sabots, manches de charrues, outils divers, fagots pour consolider les chemins. Il lui demandait en outre toutes sortes d'autres produits végétaux. Mousse ou feuilles sèches de la litière, faine pour en exprimer l'huile, houblon sauvage et les acres fruits des arbres en liberté, pommes, poires, alises, prunelles et ces arbres eux-mêmes, poiriers ou pommiers que l'on arrachait pour les greffer ensuite dans les vergers. Mais le principal rôle économique de la forêt était ailleurs, là où, de nos jours, nous nous sommes désaccoutumés de le chercher. Par ses feuilles fraîches, ses jeunes pousses, l'herbe de ses sous-bois, ses glands et ses faines, elle servait avant tout de terrain de pâture. Le nombre des porcs que ces divers quartiers pouvaient nourrir fut, pendant de longs siècles, en dehors de tout arpentage régulier, la mesure la plus ordinaire de leur étendue. Les villageois riverains y envoyaient leur bétail. Les grands seigneurs y entretenaient à demeure de vastes troupeaux et pour les chevaux, de véritables haras. Ces hordes d'animal vivaient presque à l'état de nature. Je pense que, comme nous ne pouvons malheureusement pas parler de tout dans ce livre qui a été et qui reste très riche, il faut malgré tout insister sur ce qui apparaît aujourd'hui encore comme un des apports les plus remarquables de Marc Bloch à la description et à l'explication du paysage rural français dans le passé, dans un long passé. Ce sont précisément ces régimes agraires et sa définition de trois types de régimes agraires. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une question difficile parce qu'au fond, Bloch ne s'est pas lui-même clairement expliqué sur ce problème-là. Il emploie des fois effectivement ce concept de régimes agraires, mais parfois aussi il parle de systèmes agraires, ce qui après tout n'est pas la même chose pour nous, mais pour lui on a l'impression que c'est pas très différencié. Régimes agraires, systèmes agraires, structures agraires, nous avons là tout de même des catégories d'analyse qui pour nous n'ont pas au degré, au niveau de raffinement et de sophistication actuelle des analyses, qui ne sont pas équivalentes et qui étaient assez indifférenciées chez Bloch et à l'époque de Bloch. Donc je crois que, au fond, il ne faut pas tellement se demander ce que ce livre a d'éternel. Ce qu'il a d'éternel, c'est qu'on peut le lire, comme nous le disions tout à l'heure en aparté, on peut le lire comme le Fustel de Coulanges, comme un document, c'est-à-dire comme un moment dans l'histoire d'une science qui serait justement l'histoire agraire et rurale de la France. Et de ce point de vue-là, c'est un classique, donc c'est un ouvrage que tout le monde aura toujours intérêt et plaisir intellectuel à lire, si dépassé qu'il soit d'autre part dans chacune de ses parties et dans la plupart, même je dirais, de ses affirmations au fond. C'est plutôt la construction d'ensemble qui peut nous séduire que le contenu au regard de ce qu'est la science à l'heure actuelle. Alors au fond, en quoi Bloch a-t-il été un pionnier et un incitateur à aller plus loin dans la recherche ? Je crois qu'au fond, il faut faire intervenir là, alors, un quatrième concept qui est, après à part régime, système et structure, celui de paysage agraire. Et au fond, ce livre de Bloch, quelle est sa principale vertu aujourd'hui, à mon avis, si on le donnait à lire à un étudiant ou à quelqu'un de non averti, ce serait qu'il nous aide à mieux regarder les paysages de la France. Ça veut dire à mieux les comprendre, tout simplement, par cette tripartition qu'il établit très clairement entre trois entités qui seraient à la fois des paysages ruraux et des régimes agraires et des systèmes agraires à certains égards. Ces trois ensembles étant d'une part la France au nord de la Loire, c'est-à-dire les pays ouverts et avec des champs laniérés, avec des champs allongés. La France du Midi, là encore une fois, il y a une infinité de nuances et de corrections à apporter à ce que Bloch nous dit. Enfin, c'est un simple fil rouge, une mise en place de grandes catégories qui ont été bien repensées depuis et bien nuancées. Donc, un, les grands champs ouverts et laniérés de la France du Nord. Deux, les paysages qu'il appelle des paysages ouverts mais à champs irréguliers du monde méditerranéen. Et troisièmement, les paysages enclos du bocage de l'ouest de la France. Et par conséquent, pour Bloch, il y a cette idée qui, pour la première fois chez lui, qui est affirmée pour la première fois d'une manière, je dirais, presque provocative, en tout cas, incitative dans ses caractères originaux, c'est cette répartition fondamentale. Alors, il est bien évident que c'est une simple mise en place d'un grand décor et que nous aurons l'occasion d'en reparler. Je pense que notre ami géographe ici va justement là avoir des choses intéressantes à nous dire. À partir de là, on peut dire que tout est ouvert, c'est-à-dire que on va noter à l'intérieur de ces grandes régions de paysages, des paysages aberrants qui ne correspondent pas à ces grands traits caractéristiques de la région. On notera aussi des dessins parcellaires que l'on ne peut pas se contenter de qualifier d'aberrants, mais qui ne correspondent pas eux non plus aux dessins parcellaires typiques. On trouvera des îlots, par exemple, de champs ouverts dans les paysages de bocage. Il y a toute une dynamique des espaces frontaliers entre ces trois zones. Il y a aussi le fait que, à sa manière, le Midi ne peut pas être défini simplement comme un pays de champs ouverts, mais qu'il y a aussi des bocages méridionaux d'un type très particulier. Que par conséquent, au fond, Bloch, c'est un simple tremplin pour une analyse beaucoup plus pertinente au niveau des micro-analyses de la réalité, des paysages, des systèmes et des structures agraires de la France. Une fois encore, ce qui demeure, et ce qui demeure important, ce qui demeure, je crois, incitatif pour nous, c'est ce type de recherche. Voilà, ce alors, sens, surtout, voilà, ces cadres de... Voilà, et surtout, tout de même, ce qu'il faut reconnaître comme mérite à Bloch pour la France. Ce n'est pas un mérite à l'échelle de l'historiographie européenne. Mais c'est d'avoir tout de même essayé de bien souligner la logique structurale qui existe entre les paysages, les formes de l'habitat, les formes des champs et les techniques agricoles du travail et en particulier les liaisons qui peuvent exister entre les techniques aratoires, par exemple, et la forme des champs. Jean-Robert Pitt, je crois que là, le géographe se trouve interpellé et nous vous écoutons. Oui, c'est évident que Bloch est tout à fait fondateur de toutes les recherches en géographie et histoire agraire qui ont été conduites en France jusque dans les années 60. Après, c'est un peu passé de mode. Bon, j'espère que ça, on va remettre ça à la mode. Je peux vous poser une question. Oui. Vous avez lu les caractères originaux, vous le citez dans vos ouvrages. Est-ce que ça vous a, je vais employer un mot un peu banal, est-ce que ça a vraiment servi? Oui, ça m'a servi, mais au risque de déplaire à Monsieur Toubert, je reste très séduit par Dion, qui est venu après Bloch, qui a écrit son essai sur la formation du paysage rural français en 1934. Bon, qui s'est inspiré en grande partie de Bloch pour certains aspects, qui a précisé beaucoup les choses, et surtout, enfin, c'est ce qui m'apparaît peut-être plus fondateur pour nous géographes, qui a peut-être davantage le sens du terrain, du milieu naturel, dont Bloch parle peu, très très peu, les sols, etc., les climats. Il a le sens également un tout petit peu de la cartographie. Bloch donne des reproductions de cadastres qui sont magnifiques. Dion en donne aussi, différentes, mais enfin du même ordre. Il y a un essai de cartographie et quelques photographies qui montrent quand même, je crois, que Dion travaille avec ses pieds et pas seulement dans les archives. Bon, c'est la différence. Cela dit, ce qui est très important, je crois, c'est que Bloch reste assez flou sur les frontières entre ces trois types de paysages agraires. Et il a bien raison, parce que les frontières ont tellement varié, comme vous le soulignez, dans le temps, qu'il est impossible de tracer des frontières stables, comme on l'a fait dans quelques manuels des années 50, abusivement. Le bocage, la frontière bocage-openfield a considérablement varié dans le temps, et surtout l'openfield, donc parfait tel qu'il pouvait exister au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle en Lorraine ou en Champagne, est quelque chose qui est apparu très tardivement. L'openfield, n'est-ce pas, ce sont précisément ces champs ouverts et allongés. Ouverts et allongés, il n'apparaît qu'au XIIIe siècle, bon, en progressant d'est en ouest, mais ça, Bloch ne le savait pas. Emmanuel Laura Ladurie. Oui, sur ces trois séries de paysages, il me semble, en respectant bien sûr la supériorité scientifique de M. Pitt, que champs ouverts et lanières, cela implique une autorité géométrique. Nous n'y pouvons rien. Là où il y a géométrie, il faut quand même des géomètres. Alors, c'est soit la communauté, soit plus vraisemblablement, j'imagine, le seigneur quand même. Bocage de l'Ouest, ancienneté... Quand même, les gravures relatives à Caen ou à Falaise, surtout à Falaise, il y a du bocage étouffant. Donc ne disons pas que le bocage est quand même trop récent. Bon, pour les Celtes, évidemment, je laisse aux spécialistes le soin de trancher. Système méditerranéen, n'oublions pas les arbres. C'est un système très productif, le système méditerranéen, les arbres fruitiers, la vigne, l'olivier. Alors, dire que ce sont des champs ouverts, si on veut, mais enfin, il y a quand même quantité de murettes en pierre et quantité d'arbres. Et là, justement, c'est plus du rural que de l'agraire. Georges Duby. Non, il y a quelque chose de paradoxal quand même, c'est que Marc Bloch était un citadin. Et ce que vient de dire M. Pitt m'a beaucoup frappé, c'est que ce n'est pas un homme de terrain. Et avant le moment où il a été obligé de se mettre dans la clandestinité, donc de prendre le maquis, c'est-à-dire d'aller vraiment vers la terre, il ne la connaissait pas vraiment comme un géographe pouvait la connaître. Et je pense que c'est une des raisons, peut-être, des imperfections que nous pouvons retrouver dans son livre. Oui, ça, voilà un point sur lequel nous ne sommes pas très bien renseignés, sur ce qu'a pu être le contact direct et concret de Marc Bloch avec la terre, avec le monde paysan. Et nous avons là donc un paradoxe. Cet homme de la ville. C'est un intellectuel, cet homme de la ville qui regarde la campagne sans peut-être y aller, mais qui fait sauter la ville de son tableau de la campagne. Faison a quand même parcouru la Beauce en calèche pour écrire La Terre. Et Marc Bloch, d'après son fils, voyait très souvent, plusieurs fois par semaine, deux vieux paysans à côté de chez lui, qu'il recevait très longuement, beaucoup plus longuement que ses élèves, disait son. Mais chez lui. Oui, mais enfin, quand même. Il aurait pu aller sur le terrain les voir. Ah, il y allait peut-être. Est-ce qu'il a fait des excursions géographiques pendant sa formation? Probablement, parce que c'était le début C'était un grand copain de Bolling, voilà, ils étaient à Strasbourg. Mais malheureusement, Bolling, comme vous le savez mieux que moi, est quelqu'un qui n'a jamais fait de géographie humaine, pratiquement. Donc c'est très curieux de voir que ses meilleurs amis géographes sont finalement des gens avec lesquels il n'était pas en contact ni en conflit intellectuel. Charlet de Montperrin, qui a été son collègue et son ami, raconte une promenade après la Première Guerre mondiale, en 1919, si je ne m'abuse, sur la montagne de Saint-Odile, et où il regarde le paysage, où il regarde la plaine d'Alsace. Je pense quand même qu'il y a eu un certain contact et un certain intérêt direct pour les paysages, en tout cas. Peut-être pas sur tout ce que le géographe souhaite parcourir, voir, fouiller, je dirais presque, dans le sol. Il faut dire aussi, je pense que nous aurons l'occasion d'en revenir peut-être à la fin de notre débat, l'archéologie rurale, si je ne m'abuse, était pratiquement inexistante de son temps, qui a beaucoup apporté, je crois, à l'heure actuelle. Écoutez, pour la fin de cette première partie de notre débat, je vous propose, et je crois que nous sommes d'accord, d'abord dans la mesure où on ne peut pas parler de tout, ensuite parce que ce n'est peut-être pas la partie la plus réussie de l'œuvre de Marc Bloch, ni celle qui soit le plus vivante aujourd'hui, que nous passions sur tout ce qui est évolution de la seigneurie, classe sociale. On retrouvera d'ailleurs cela, je crois, beaucoup plus maîtrisé 10 ans après dans la société féodale. Et profitant en particulier de la présence d'Emmanuel Leroy-Ladurie, je voudrais que nous évoquions ce que dit Marc Bloch de l'évolution de cette histoire agraire de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française, qui est en fait le terminus de son enquête. Et il y a, me semble-t-il, quelques indications pour l'époque très intéressantes sur ce qui s'est passé. Il le fait avec prudence, en me disant qu'on connaît mal l'histoire de la France rurale sous la Révolution, mais il y a quelques indications qui me paraissent intéressantes et que, je crois, il faut signaler en cette année du bicentenaire. Oui. Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, je crois que ces sources albardées anglaises dont nous parlerons l'ont à la fois inspiré et, sinon égaré, du moins un peu cantonné. Il accorde une immense importance à la question de la veine pâture et des communaux. Or, en fait, d'après Jean Meuvray notamment, la veine pâture, c'est-à-dire le passage organisé des bestiaux sur la partie en jachère, la partie non cultivée, vous savez que la jachère va revenir du reste sous peu, n'était pas en France aussi organisée, en France du Nord, aussi organisée que par exemple en Allemagne, sauf peut-être en Lorraine, avec des reconstructions postérieures à la guerre de 30 ans. Et ça, Meuvray a beaucoup insisté sur ce point. Deuxièmement, les communaux. Il y a des régions qui, depuis longtemps, n'ont plus de communaux, en tout cas plus de terres, à cause tout simplement d'une démographie très puissante. Dans le bassin parisien, il n'y a plus de communaux depuis, je ne sais pas, depuis le XIIIe siècle peut-être. Et donc, il n'y a pas de raison de les partager puisqu'ils n'existent pas. Il y a bien quelques morceaux de marais. En revanche, il y a d'immenses communaux dans le Jura et qui, me semble-t-il, ont dû subsister assez longtemps. Et alors là, c'est l'importance du facteur démographique au XVIIIe siècle que de Saint-Jacob a merveilleusement souligné. Quand la population de la France passe de 20 à 27 millions d'habitants, c'est pas des questions juridiques, il y a rien à faire, faut partager le communal, les gens ont besoin de terre. C'est comme en Espagne avec les désamortisations des biens du clergé, les partages des biens du clergé au XIXe siècle. C'est la démographie qui commande, on n'y peut rien. Marc Bloch le dit pour le Moyen-Âge. Oui. À propos de la période des grands défrichements, il le dit, c'est la démographie. Il a dit, la démographie, ce n'est peut-être pas le fond de l'explication, mais c'est en tout cas ça qui déclenche l'évolution. Il dit que s'il n'y a pas eu défrichement dans le sud-ouest, c'est parce que les gens sont partis en Espagne. Voilà. Alors, troisième point, la révolution agricole. Alors, révolution agricole, c'est-à-dire pour Marc Bloch, fin de la jachère, intensification par l'élevage et par le fumier, un petit peu de machinisme, mais c'est très tard le machinisme. Alors, Morino, dans un livre littéralement tonitruant, a prétendu qu'il n'y avait pas de révolution agricole. En un sens, il a raison, c'est-à-dire que les techniques sont restées les mêmes. En un autre sens, ça n'est pas raisonnable, d'abord parce que toutes ces additions sont fausses, mais littéralement, je l'ai montré dans un article qui, je crois, est écrasant, mais aussi parce que s'il n'y a pas une poussée de production agricole au XVIIIe siècle, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne peut pas penser qu'un pays passe de 20 à 27 millions d'habitants, qu'il supprime les famines, et que la production agricole n'augmente pas, ça ne tient pas debout. Jamais personne n'oserait l'affirmer, ni pour l'Angleterre, ni pour l'Allemagne. Pourquoi l'affirmerait-on pour la France? Cela dit, Morino a eu le mérite, évidemment, d'envoyer ce brûlot qui nous permet de comprendre qu'il y a, sinon révolution agricole, du moins hausse de la production. Enfin, la révolution française, le bicentenaire. Alors, je crois qu'il y a un aspect qui est clair. La vente des biens nationaux, des biens du clergé, même si elle a profité aux bourgeois, là aussi, il y a eu une poussée. Il y a eu une poussée. Les paysans en ont eu des tas de petits morceaux. Et qu'on voit n'importe quel registre fiscal, on voit le nombre des petits propriétaires, des petits exploitants qui se multiplient à toute vitesse dès la fin du 18e, à cause de la démographie, et puis sous la Révolution, sous l'Empire, et ça continue par la suite. Ça, il y a une poussée démographique. Alors, le grand mystère, et ça, comme l'a dit mais supprimé, est-ce que la Révolution est une période d'augmentation de la production agricole? Est-ce que c'est une période de stagnation, de baisse? Disons la vérité, personne n'en sait rien. Il y a quand même une famine sous la Révolution, ce qui est vers 1794, ce qu'il n'y avait pas eu depuis 1709 à peu près. Mais ça, c'est dû évidemment à des organisations qui ont amené les troubles. Ça, il ne faut pas en incriminer la Révolution. Et si vous le voulez bien, pour terminer cette première partie de notre débat, nous allons à nouveau écouter Marc Bloch et nous allons l'écouter sur un des points fondamentaux de sa description de cette histoire plus agraire que rurale. C'est les pages dans lesquelles il insiste sur l'importance des cultures céréalières et en particulier sur ce grand personnage de l'histoire rurale française, le blé. Un mot domine la vie rurale de l'ancienne France jusqu'au seuil du 19e siècle. Un vieux mot de notre pays, sûrement étranger au latin, probablement gaulois, comme tant d'autres termes, charrue, chemin, lande, arpent, sommaire ou sombre, dans le sens de jachère, par où notre vocabulaire agricole témoigne éloquemment de l'antiquité de nos labours, le mot de blé. N'entendons point par ce mot, comme l'usage littéraire le veut aujourd'hui, le seul froment. Sous lui, le parler des campagnes comprenait, au Moyen-Âge, et continua longtemps de comprendre, toutes les céréales panifiables, qu'elles donnassent le beau pain blanc, plaisir des riches, ou le pain noir, lourd de farine mêlée, que dévoraient les manants. Farine faite de froment, de seigle, dont l'abus répandait le feu Saint-Antoine, de métail, mélange de froment et de seigle, d'épeautre, d'avoine et d'orge. Le blé, en ce sens, couvrait de beaucoup la plus grande partie de la terre cultivée. Point de village, point d'exploitation, qui ne lui consacra le meilleur de ses champs. L'on en poussait la culture jusque dans les cantons, où la nature eût pu sembler l'interdire. Âpres pentes alpestres, et dans l'ouest et le centre, ces terrains mal perméables et sans cesse trempés de pluie qui aujourd'hui nous paraissent prédestinés aux herbages. L'agriculture de la plus grande partie des provinces de la France, disent en 1787 encore les commissaires de l'Assemblée provinciale de l'Orléanais, peut être considérée comme une grande fabrique de blé. Les conditions de vie s'opposèrent longtemps à toute spécialisation rationnelle des sols. Le pain était pour tous un aliment essentiel, pour les humbles, la base même de la nourriture quotidienne. Comment se procurer la précieuse farine? L'acheter? Cette solution eût supposé un système économique fondé sur les échanges. Or, ceux-ci, sans avoir vraisemblablement jamais été tout à fait absents, furent pendant de longs siècles rares et difficiles. Le plus sûr était encore pour le seigneur de faire ensemencer sur son domaine, pour le paysan d'ensemencer lui-même sur sa tenure, les champs, père des miches. » Nous reprenons le débat autour de la réédition du grand livre, un classique vivant de Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, récemment publié par Armand Collin avec une préface de Pierre Toubert. Débat qui rassemble Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-Robert Pitt et Pierre Toubert. Pierre Toubert, vous avez évoqué déjà tout à l'heure, et on y a fait écho autour de la table, l'importance pour Marc Bloch, et particulièrement dans la préhistoire de cet ouvrage, de sa connaissance, disons-le, de l'historiographie rurale, allemande et anglaise. Sans accabler nos auditeurs avec des noms qui n'intéressent plus guère que les spécialistes, et sans entrer dans des détails qui seraient trop techniques, comme il y a là, je crois, un moment important dans l'histoire de l'Europe. Est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus, apporter quelques précisions sur ce qu'étaient ces écoles et sur l'importance qu'elles ont eue dans l'historiographie européenne ? Oui, je crois qu'il faut bien dire très nettement que tout de même, ce qui prime à cette époque en général et ce qui prime dans la formation de Bloch, c'est l'expérience allemande. Alors, qu'est-ce que Bloch trouve en Allemagne, en faisant l'économie des noms et des écoles, etc. C'est au fond qu'il y trouve, d'une part, des structures universitaires étonnamment modernes par rapport aux structures françaises. Modernes, c'est-à-dire fondées sur la souplesse, sur les instituts de recherche, sur un statut du chercheur qui est à la fois beaucoup plus souple qu'en France, un enseignant, un universitaire, un chercheur, etc. Et il y trouve surtout ce qui n'existe, ce dont l'idée même ne peut pas germer dans le cerveau des administrateurs universitaires français, il y trouve au fond l'interdisciplinarité vraie, c'est-à-dire non pas un objectif théorique, mais la pratique concrète de l'échange constant d'informations entre des universitaires qui appartiennent à des disciplines différentes, mais qui se rencontrent tout le temps. Et alors là, je pense que ce n'est pas par hasard que Bloch passe son année d'initiation, dans cette espèce de roman d'initiation qu'est sa jeunesse, passe son année d'initiation allemande, principalement à Leipzig. Parce que à Leipzig, au moment où il va Bloch, et ça, je crois qu'on, si je peux dire, qu'on ne s'en était pas aperçu avant que j'aie à faire ce travail, en 1908, c'est à Leipzig que cette interdisciplinarité fonctionne de la manière la plus étonnante. Elle fonctionne de la manière la plus étonnante parce qu'il y a trois grands savants qui dominent trois grandes disciplines et qu'ils se rencontrent constamment dans un séminaire commun. Ces trois savants sont un géographe, un historien de l'économie et un spécialiste de la psychologie collective et de ce que nous appellerions au fond le folklore, finalement, la science du folklore, qui s'appelle la Volkskunde, et que, par conséquent, je crois qu'il y a là, pour lui, matière véritablement à... Il a dû découvrir véritablement ce que c'est qu'une science vivante. Oui, sur ce point, je voudrais apporter une précision. D'abord, si je peux dire, faire une confession, je regrette de n'avoir pas connu cette présence de Wundt dans ce séminaire interdisciplinaire, parce que c'est lui le spécialiste de la psychologie des peuples, parce que il y a là, très probablement, une des sources des rois thaumaturges. J'en suis persuadé. Et du côté de l'histoire des mentalités. Et ça explique aussi un certain nombre de notations discrètes. Visiblement, Marc Bloch a eu une conception large, nouvelle pour son temps, mais malgré tout relativement délimitée de l'histoire rurale, et ce n'est guère en général qu'au détour d'une phrase ou dans des notes qu'il fait allusion à l'importance aussi dans cette histoire de ce que nous appelons maintenant les mentalités. Il souligne par exemple, à propos de la forme des chants, de possible influence religieuse. Il a donc le sentiment de tous ces autres éléments, et maintenant, après vous avoir lu, il me paraît clair, sans bien entendu diminuer les mérites de l'esprit inventif et créateur de Marc Bloch, que c'est l'expérience allemande qui vient là. Emmanuel Leroy-Ladurie. Oui, alors je crois qu'il y avait là, pour le peu que je connaisse, le meilleur et le pire, c'est-à-dire un sentiment ethnographique des systèmes agraires, rattaché à tort ou à raison, abusivement parfois, à un germanisme envahissant. Et c'est vrai qu'il était tentant de dire que le système des champs ouverts prenait un avion quand même et traversait l'Europe depuis la France jusqu'à la Roumanie, on les voit bien, les champs ouverts, était un noyau, avait un cœur, un noyau germanique. Alors, Hitler est passé par là, c'est évidemment tout à fait regrettable. Il reste qu'il y a eu des Germains en France. Il reste que nous ne pouvons pas, me semble-t-il, mais là je m'adresse aux médiévistes, totalement rejeter l'influence des structures germaniques dans nos paysages agraires. Oui, mais je crois que ce qu'il faut dire, et Pierre Toubert, vous allez le dire beaucoup mieux que moi, on n'a pas attendu Hitler pour qu'il y ait ce que nous pouvons considérer comme des dérapages. Oui. Des dérapages qui, sous un aspect ethnique, sont au bord de théories ou tout au moins d'aspects racistes. C'est-à-dire qu'il faut bien, je crois, si on se place toujours du point de vue de Bloch, au fond, si on revit cette expérience intellectuelle à partir de la reconstruction que nous faisons, qui n'est peut-être pas absolument sûre, mais de sa propre expérience, il trouve effectivement des savants, il y en a un surtout à Berlin, qui s'appelait Meitzen, qui est le grand maître de la géographie agraire, l'inventeur de la géographie et de l'histoire de l'occupation du sol, et qui a accompli un travail extraordinaire dans un livre qui est en lui-même tout un programme, puisqu'il s'appelle « Histoire de l'occupation du sol chez les Germains, les Celtes, les Finnois, les Hongrois, etc. » Donc, il y a effectivement cette idée chez Meitzen qu'il existe d'une part des formes typiques d'occupation du sol, et que l'explication de cette typicité doit être recherchée dans la race. Il y a donc par conséquent, pour l'histoire agraire, dans l'école de Meitzen, ce qu'il y a à la même époque dans l'archéologie avec l'école de Cossina. C'est-à-dire ce qui porte en soi ce qui se produit après, c'est-à-dire la dérive pangermaniste, et qui est antérieure au nazisme, bien entendu, et la récupération de cette dérive par le nazisme, puisque l'on sait que c'est sur les fonds, par exemple, de la SS de Himmler, que sont faites des fouilles, d'ailleurs excellentes et remarquables sur le plan technique, des grands sites du Haut Moyen-Âge, de Haïtabou, et donc du Schleswig et du Holstein, où l'ASS finançait des recherches, des savants qui existent d'ailleurs, qui sont toujours vivants aujourd'hui, qui ont tiré un grand profit financier, et pour alimenter des chantiers de fouilles qui étaient conduits d'une manière exemplaire sur le plan technique. Donc bon, ça c'est d'autres problèmes, là on va très loin. Mais donc il faut soigneusement distinguer deux choses, c'est-à-dire la masse de documentation et le caractère analytique des recherches des gens de l'école de Meitzen, qui fait qu'il y a, dans les quatre volumes de l'histoire de l'occupation du sol de Meitzen, un volume entier qui est un volume de documents cartographiques qui, à mon avis, mérite encore aujourd'hui d'être lu et consulté. Et d'autre part, la dérive interprétative dont on peut faire l'économie aujourd'hui, et dont Marc Bloch certainement ne se privait pas de faire l'économie. Bon. D'autre part, il y a aussi, je pense, chez Bloch, l'intérêt qu'il accorde aux instruments de la vie agraire, en particulier aux formes des instruments oratoires, etc. Il y a là aussi un héritage incontestable de la science allemande. Alors, à côté de cette expérience, il y a, je crois aussi, l'importance du versant anglais. Le versant anglais, oui. Du versant anglais. C'est une des révélations de votre préface. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a de grands historiens anglais à cette époque-là. Ce sont des individualités, ce sont des hommes très originaux qui se connaissent, qui vivent principalement ou à Oxford ou à Cambridge, mais généralement aux deux, parce qu'en fait, c'est une même société. Et ce sont d'ailleurs souvent des gens dont j'ai observé qu'ils habitaient Londres, en réalité, la plupart du temps, et qui fréquentent les mêmes clubs, qui se connaissent, qui se succèdent, qui permutent leurs enseignements, etc. Et qu'est-ce qui fait, au fond, les caractéristiques de, je ne peux pas dire même cette école anglaise, de ces Anglais? C'est, à mon avis, bon, d'une part, le fait qu'ils forment un milieu social et assez tout de même, c'est une gentry intellectuelle. Ce sont des gens qui sont en relation fréquente et suivie avec les Allemands, car un problème que nous n'étudions pas, nous, mais c'est qu'il existe une communauté internationale scientifique vers 1900. C'est une communauté anglo-allemande, dont les Français, il faut bien le dire, sont le parent pauvre. Si l'on pense que l'anecdote est bien connue, un grand historien des structures agraires anglaises vers 1880 écrit une lettre à Fustel de Coulanges en lui disant « Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, cher collègue, s'il n'existerait pas en France des champs ouverts et des paysages d'open field comparables aux nôtres ?» Alors, Fustel de Coulanges, il cherche dans ses fiches, dans ses papiers, et il lui répond une lettre qui est, à mon avis, un des chefs-d'œuvre extraordinaires de l'humour involontaire. Et il lui dit « Cher monsieur, vous me posez une question très curieuse. Existe-t-il en France des champs ouverts et lanières tels que vous me les décrivez ?» À ma connaissance, je n'en vois guère, et cette question me surprend hautement. C'est parce qu'il recherche dans l'annex Minciana de l'empereur machin, et je, bon, etc. Donc, voilà, une communauté scientifique dont, en grande partie, la France est exclue, et une méconnaissance aussi, chez Bloch, de ce qui se fait à ce moment-là dans d'autres grands pays européens, en particulier en Espagne et en Italie, où peut-être qu'effectivement l'histoire agraire et la géographie ne sont pas des points forts de la science italienne, mais où par l'histoire du droit, on rejoint un certain nombre de préoccupations qui sont celles dont Marc Bloch a connaître. Par conséquent, la position de Bloch est celle d'un débiteur à l'écart des Allemands et à l'égard des Anglais. Alors, quelle est l'originalité des Anglais quand même par rapport aux Allemands, à mon avis ? C'est qu'ils sont beaucoup plus intéressés par la société rurale, le problème de la communauté rurale, oui, le problème des coutumes, le problème des rapports de droit. Ils ont des sources magnifiques, il faut bien le dire, ces sources manoriales, ces rôles manoriaux, c'est-à-dire les archives judiciaires des villages, constituent pour retracer la vie quotidienne des paysans anglais du Moyen-Âge une source d'une richesse inouïe et qui, dès les années 1900, est remarquablement exploitée par ces grands historiens qui viennent de l'histoire du droit. Oui. On peut d'ailleurs, là, peut-être citer au moins un nom et un ouvrage. C'est l'ouvrage sur la communauté villageoise anglaise de, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Zeebohm. Alors voilà, oui, parce que Zeebohm est un Anglais, mais un Anglais d'origine allemande. Voilà, voilà. Alors, c'est une famille hanovrienne qui a suivi en Angleterre les rois d'Angleterre de la dynastie hanovrienne. Zeebohm est à la tête d'une grosse affaire d'import-export. C'est un banquier de la City. Et c'est quelqu'un qui a une très belle maison à la campagne et qui s'aperçoit, qui découvre comme ça le problème des enclosures, le problème des villages disparus, etc. Et qui écrit à Meissen et qui ils sont bilingues, tous ces gens-là, n'est-ce pas ? Et même chez des gens à des époques encore plus récentes, nous n'imaginons pas la force des liens entre l'Angleterre et l'Allemagne, qui fait qu'en 1914, il y a très peu d'Anglais qui ont compris que la guerre se ferait avec les Français contre les Allemands. La plupart des Anglais croyaient que ce serait une guerre des Anglais et des Allemands contre les Français. Donc, ils ont vraiment découvert un nouveau jeu politique. Bon, alors, il y a un peu de ça chez ces gens. Je crois qu'il est très important, à propos de cet ouvrage, de montrer, comme vous le faites, la vie scientifique dans les divers pays. Ce sont là des fondements tout à fait essentiels qui n'apparaissent pas suffisamment, en général, dans l'histoire intellectuelle ou dans l'historiographie, à proprement parler, qui est trop étroite, trop fermée sur elle-même. Maintenant, si vous le voulez bien, je voudrais que nous revenions aussi sur un des grands problèmes soulevés par votre préface, qui est le problème en France. Dans la première moitié du XXe siècle, des rapports entre l'histoire et la géographie. Si je résume votre thèse, vous me direz si je la rends caricaturale, c'est que la géographie française avant Marc Bloch, contrairement à un bruit qui court, n'était pas tellement remarquable. Marc Bloch n'a pas eu grand-chose à lui emprunter. En revanche, l'influence de l'ouvrage de Marc Bloch sur les caractères originaux de l'histoire rurale française a ouvert les yeux à beaucoup de géographes, et sous l'influence de Marc Bloch, beaucoup de travaux importants, intéressants, renouvelés des géographes ont eu lieu. Georges Duby. Oui, permettez-moi de rappeler des souvenirs personnels. J'ai commencé mes études de géographie en 1937, c'est-à-dire 6 ans après la parution de ce livre. Et aussitôt, mes maîtres en géographie m'ont mis ce livre sous les yeux. Ça a été pour moi une révélation bouleversante. Mais c'était aussi, pour les géographes qui m'enseignaient, un livre de base. Et là, je rejoins ce qui était dit sur cette sorte de le primitivisme des études universitaires de ce temps, c'est que, en fait, l'interdisciplinarité, il n'y en avait pas du tout entre historiens et géographes. Les professeurs d'histoire ignoraient pratiquement. Excusez-moi, c'était où ça ? À Lyon. À Lyon. Oui, c'était à Lyon. C'était à Lyon, c'était à Lix, et c'était des gens qui venaient de cette école géographique de grenobloise qui a rempli l'école géographique française de gens d'une extrême qualité. Alix lui-même avait fait une thèse secondaire sur l'oison au Moyen-Âge. Et il appliquait justement ses capacités de géographe à une étude absolument nouvelle des documents du XIVe et du XVe siècle. Ce qu'il fallait au fond, si je peux dire, réunir, c'était l'expérience sur le terrain des géographes et la connaissance des sources des historiens. Jean-Robert Pitt. Je trouve que M. Touvert est un peu sévère avec les géographes dans sa préface, même parfois méchant. Il est probable que Bloch n'a pas emprunté grand-chose aux géographes qui l'ont précédé, et bon, ne serait-ce que parce qu'il s'est tourné davantage vers l'Allemagne et l'Angleterre, comme vous le soulignez. Néanmoins, je pense que s'il les avait fréquentés un peu plus, peut-être qu'il aurait, ce que nous disions tout à l'heure, introduit davantage de comparaison avec le terrain actuel, c'est-à-dire avec la vie agraire dans les campagnes de la France des années 30, et davantage de relations avec le milieu naturel, puisque dès cette époque, les géographes se plaçaient à la frontière des sciences naturelles et des sciences humaines. Bon, mais c'est vrai qu'il ne leur a pas emprunté grand-chose, on peut dire que c'est peut-être un peu dommage. En revanche, en ce qui concerne peut-être la postérité de Marc Bloch dans la géographie française, je crois que Bloch a dû influencer beaucoup. Vous me soulignez à travers cet exemple à Lyon, les géographes, mais peut-être que les géographes se sont, et on le voit au travers des grandes thèses des années juste avant la guerre, après la guerre, Meynier, Julliard, etc., les géographes se sont de plus en plus attachés au paysage, alors que peut-être les historiens se sont tournés davantage vers le social. Je ne sais pas si les historiens n'ont pas trahi un tout petit peu Marc Bloch, qui mélange bien l'intérêt pour les affaires sociales et le paysage, alors que par la suite, peut-être le paysage disparaît un peu, enfin, reste en filigrane. Et peut-être que les géographes, eux, ont trop négligé le social. Jusqu'à une date récente, il est vrai que les géographes s'attachaient uniquement à décrire ce qu'ils avaient sous les yeux et à essayer de l'expliquer avec leurs moyens parfois un peu pauvres, mais que les aspects sociaux étaient sans doute trop négligés. Les hommes manquaient un peu. Les hommes manquaient sans doute un peu trop. Oui. Et quand ils apparaissaient, ça dépend des thèses. C'était surtout du point de vue de l'habitat, la population, ce qui est quand même, je crois, une vue un peu étroite. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Bon, alors là, je me retourne à nouveau vers Georges Duby. Si nous revenons chez les historiens et les historiens de l'histoire rurale, il est évident que depuis le livre de Marc Bloch, à côté d'un certain nombre de grandes thèses, dont celle d'Emmanuel Leroy-Ladurie pour le Languedoc, dont celle de Pierre Toubert pour le Latium, et il y en a quelques-unes aussi tout à fait remarquables, votre œuvre s'impose. Elle s'impose d'abord par cette synthèse personnelle sur l'économie rurale et la vie des campagnes, et ensuite par cette grande série sur l'histoire de la France rurale que vous avez dirigé aux éditions du Seuil. Et ma question sera donc, par rapport aux caractères originaux de l'histoire rurale française, comment avez-vous, dans ces deux grandes entreprises, conçu l'histoire rurale ? Écoutez, moi je pense d'abord que ma thèse de doctorat, la société au XIe et XIIe siècle dans la région mâconnaise, est inspirée profondément par le modèle que m'apportaient les grandes thèses de géographie de cette époque-là. C'est une monographie régionale, et j'ai simplement essayé de considérer un paysage tel que j'avais appris à l'analyser sur les cartes d'état-major dans le laboratoire de géographie de l'Université de Lyon. J'ai essayé de considérer un paysage à la fois topographique et social, et traitant, utilisant une matière qui m'était fournie par les sources d'archives pour essayer de recréer effectivement une sorte de rapport vrai entre les hommes entre eux et les hommes avec leur milieu naturel. Bon, ensuite, évidemment, lorsque j'ai organisé la matière de cette histoire de la France rurale que vous évoquiez. J'ai quand même chargé de la direction de l'un des volumes consacrés à l'époque moderne un géographe, Étienne Julliard, parce que il me paraissait absolument indispensable d'associer ces deux disciplines et de travailler à ce que cette espèce, alors en voie de disparition, de l'historien géographe ou des géographes historiens, soit revivifiée. Et elle l'est, je pense. Et elle l'est peut-être à cause de cette entreprise. À ce propos, j'ajouterai d'un mot, c'est que il me semble que ce qu'on appelle une tradition française, l'union de l'histoire et de la géographie, dont Pierre Toubert a marqué qu'elle n'a peut-être pas aussi bien fonctionné qu'elle l'est dans peut-être notre imagination, malgré tout. Elle existe. Et je tiens à souligner que je crois que c'est une des forces de la recherche et de la pensée française dans le domaine des sciences humaines et sociales, et qu'il faut absolument la maintenir. Et que d'abord, il faut la maintenir dans l'enseignement. Il faut que nos enfants, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, continuent à être formés à travers cette union entre deux disciplines fondamentales et qui se renouvellent. La géographie, je crois que Jean-Robert Pin permettra de le dire, a connu à l'évidence une crise, peut-être plus que l'histoire. Mais nous voyons à nouveau combien elle s'est renouvelée, combien elle redevient une discipline maîtresse d'elle-même, et je crois que il y a, je dirais presque un appel que nous devons lancer. Est-ce que vous me permettez de rappeler aussi que j'ai créé avec Fauché une revue qui s'appelle Études rurales et qui était justement une sorte de manifeste de cette volonté de rassembler de nouveaux. J'allais l'oublier et c'est très important et cette revue existe et cette revue est toujours vivante, je crois, et importante. Emmanuel Roy Ladurie. Alors sur l'apport, en soutenant bien sûr ce point de vue géographique, sur l'apport de l'histoire rurale récente, je crois qu'il y a non seulement la ville, mais il y a le château. Et bien sûr, Toubert en a parlé, mais c'est tout à fait fondamental dans l'histoire rurale, qu'elle soit italienne ou française ou bretonne ou ailleurs. En second lieu, les nouvelles méthodes, la préhistoire, rappelons-le, le carbone 14, les nouvelles méthodes de datation qui ont fait qu'on ne peut même plus parler de préhistoire, on peut parler d'une histoire rurale maintenant française qui commence vers 8000 avant Jésus-Christ, avec les ou 6000 ou 5000, enfin vers les débuts de l'agriculture. Le climat, ne lui accordons pas trop d'importance, mais malgré tout, il y a une ou deux lignes de Marc Bloch à ce sujet, les fluctuations météorologiques, longues éventuellement, surtout courtes, les famines, etc., sont tout de même très importantes. Vous avez écrit sur cet argument un livre aussi fondamental. La conjoncture économique et démographique. La peste noire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour d'elle, les grandes désertions de la fin du Moyen-Âge, sur lesquelles Marc Bloch n'était pas toujours excellent, ont quand même complètement bouleversé la vie en bien, en mal et aussi en bien, la vie des paysans. Les révoltes. Et alors là, il y a quand même un russe, Porchniev, avec toute sa folie, mais son génie aussi, qui nous a... Les révoltes paysannes, que Marc Bloch avait fort bien senti du reste. Mais enfin, il n'avait pas développé ce sujet. Oui. Par-delà les révoltes, et pardonnez-moi de vous couper une minute, Marc Bloch insiste sur l'importance de la lutte plus obscure, plus continuelle, qui forme justement le fond des relations à la campagne, à côté de ces bouffées que sont les insurrections et les révoltes. Enfin... les enfances, les autobiographies de paysans, qu'on oublie toujours, qui sont très intéressantes, et on y est venu récemment. Et puis la démographie, les registres paroissiaux, ça c'est quand même une spécialité française, puis anglaise, la reconstitution des familles à travers ces registres paroissiaux qui traînent dans toutes nos mairies. Eh bien, messieurs, je crois que vous avez permis à nos auditeurs de comprendre à la fois l'importance de cet ouvrage, quand il a paru, en 1931, son importance pour la suite de la géographie et de l'histoire rurale, et de l'importance qu'il a encore aujourd'hui, donc de la légitimité, je dirais presque de l'heureuse idée, qu'ont eu les éditions Armand Collin, d'abord de rééditer et ensuite de demander à Pierre Toubert sa préface. Sur ce que nous pouvons, j'allais dire nous devons, mais c'est peut-être ambitieux, sur ce que nous pouvons penser de la place de ce livre dans la recherche, dans la réflexion actuelle sur l'histoire rurale et en particulier sur l'histoire rurale française, Georges Duby, que dites-vous ? J'ai déjà dit ma dette personnelle envers ce livre. Je considère que il faut d'abord le prendre comme un classique, c'est vrai. C'est un beau livre, c'est un livre que l'on relit avec non seulement plaisir, mais profit, parce que au fil de telle ou telle phrase, brusquement, il y a une idée qui n'est pas toujours parfaitement exprimée par Marc Bloch, mais qui vous incite à aller plus loin et à chercher. Mais c'est en ce sens que ce classique reste vivant, et que il me paraît être l'un de ces livres qu'il faut recommander d'abord aux débutants, à ces jeunes gens qui essayent justement de poursuivre, mais aussi à tout homme cultivé qui veut prendre une connaissance de ce que sont d'abord les méthodes de la recherche en histoire profonde, et aussi de ce qu'est la ruralité actuelle, dans un temps où justement les villes nous étouffent et où nous avons tous le besoin de nous replonger dans le milieu paysan. Je pense que c'est une des excellentes introductions qui permet à quiconque de jouir véritablement en sentant très fort ce qu'est le travail des temps, de jouir véritablement d'un paysage. Merci Georges Duby. Nous allons, si vous le voulez bien, terminer cette audition en donnant à nouveau la parole à Marc Bloch. C'est la dernière page des caractères originaux de l'histoire rurale française. On y trouve quelques-unes des grandes idées, non seulement de cet ouvrage, mais de l'œuvre de Marc Bloch. L'histoire comparative, la méthode régressive, on y trouve le rappel d'un des points forts de cette recherche, les trois régimes agraires de la France qu'il faut peut-être, comme on l'a vu, nuancer, et puis on y trouve, je crois, ce charme de l'intelligence à laquelle faisait allusion Georges Duby et sur quoi Pierre Toubert termine sa préface. Ainsi le passé commande le présent. Car il n'est presque pas un trait de la physionomie rurale de la France d'aujourd'hui dont l'explication ne doit être cherchée dans une évolution dont les racines plongent dans la nuit des temps. L'exode du prolétariat agricole, c'est l'aboutissement du vieil antagonisme des manouvriers et des laboureurs, la suite d'une histoire dont une première phase s'inscrit au Moyen-Âge dans les parchemins qui opposaient les corvées de bras aux corvées de charrues. La tenace vigueur de la propriété paysanne, responsable elle-même du traditionalisme dans le dessin des terroirs, de la longue résistance qu'à l'esprit nouveau opposèrent les pratiques communautaires, de la lenteur du progrès technique. Elle s'est fondée juridiquement sur la coutume des seigneuries, elle a tiré sa raison d'être économique de l'abondance de la terre et de la rareté de l'homme, avant que les tribunaux royaux eussent définitivement accordé aux droits des tenanciers leurs sanctions. Mais le petit paysan n'est point seul à détenir le sol. Les vastes exploitations qui lui ont fait, qui lui font encore une rude concurrence et sans lesquelles la révolution agricole qui y prit son point de départ eût peut-être été impossible, sont une création du capitalisme seigneurial et bourgeois des temps modernes. En pays de champs ouverts et allongés, le morcellement est aussi vieux que nos plus anciennes civilisations agraires. Les vicissitudes de la famille, depuis le manse patriarcal, en passant par la communauté paisible des âges suivants, donnent la clé de ces progrès. Les réunions de parcelles, application à la vie rurale d'un système économique nouveau, expliquent les exceptions qu'il a dû souffrir. Quant au contraste fondamental des champs ouverts et allongés, des champs ouverts et irréguliers, et des enclos, au contraste parallèle dans les mœurs qui, par exemple, ont imposé aux campagnes du Nord et de l'Est cette forte mentalité collective, que ne connaissent au même degré, semble-t-il, ni les villages du Midi ni les hameaux de l'Ouest, c'est à des épisodes de l'occupation du sol, à des caractères de structure sociale perdus dans les brumes d'un passé sans documents écrits, que, s'il était possible, il en faudrait demander le secret. Aux yeux de tout esprit réfléchi, dans ces observations réside l'intérêt passionnant des recherches rurales. Où trouver, en effet, un genre d'étude qui, plus impérieusement, force à saisir la véritable nature de l'histoire ? Dans ce continu qu'est l'évolution des sociétés humaines, les vibrations, de molécule à molécule, se propagent à si longue distance que jamais l'intelligence d'un instant, quel qu'il soit, pris dans le cours du développement, ne s'atteint par le seul examen du moment immédiatement précédent. C'était les lundis de l'histoire, Marc Bloch, les caractères originaux de l'histoire rurale française, par Jacques Le Goff, avec Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-Robert Pitt, Pierre Toubert. Texte lu par Alain Rigoux. Réalisation Marie-Dominique Arrigui. Première diffusion sur France Culture le 27 février 1989. Vous pourrez réécouter ces lundis de l'histoire en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.